sud de Meloki. Moi j'aime trop les femmes pour les voir souffrir. J'aimerais également remercier Luigi. Le grand de Laurent Mazzard. Bonjour et bienvenue dans Le Porte-Bidon, nouvelle émission de sport qui se déroulera tous les 3e mardis du mois sur Radio Nos Cultures. Vous pouvez la réécouter sur radionoculture.wordpress.com et sur Spotify. Le concept est simple, un acteur du sport local qui vient nous parler de sport, tout simplement. Et aujourd'hui, je suis avec Ivan Iriarturuti, joueur de rugby de l'US Dax. Bonjour Ivan, comment ça va? Bonjour, eh bien, ça va très bien, très content d'être ici. Eh bien, c'est sympa. Donc, toi, t'as un petit coup, t'es joueur de rugby. T'as commencé le rugby à l'âge de 9 ans. T'as joué à Cambo jusqu'à tes 18 ans. Ensuite, t'es parti 4 ans à Biarritz. T'as fait Crabos, Réchel et Espoir. Ensuite, t'es parti à Saint-Jean-de-Luz pendant 8 ans, où t'as été champion de Fédéral 2 en 2016. Et tu as donc évolué aussi en Fédéral 1 avec Saint-Jean-de-Luz. Et en 2023, donc, tu as signé à l'US Dax en Pro D2, qui venait juste de monter en Pro D2, c'est exact. Hein. Exactement. Donc tu as commencé le rugby à Cambo. Comment c'est venu ton envie de jouer au rugby? Comment c'est venu, je ne sais pas trop, mais depuis tout petit, je voulais faire ça. Et le seul frein, c'était ma mère qui ne le voulait pas. Donc j'ai dû ranger mon frein pendant quelques années en allant au foot, où j'ai beaucoup apprécié ce sport, mais... Dès que j'ai eu l'autorisation, j'ai basculé au rugby à Cambo et j'ai de suite accroché. C'est très bien passé et depuis, j'ai pas encore arrêté. Ouais, donc t'as commencé en Benjamin, je crois, à Cambo. Et donc du coup, t'as joué jusqu'en junior. Comment t'as passé ces années à Cambo? Est-ce que tu penses que ça a été formateur pour toi? Oui, vachement. Bon, déjà, je pense qu'on avait un super groupe avec des très bons copains qui... sont encore mes copains aujourd'hui, et on a eu aussi de très bons éducateurs, on a eu un petit peu de tout, et en fait au fil des années c'était une évidence de rester dans le rugby. Les gens, pour moi il n'y a jamais eu question d'arrêter, enfin, c'était vraiment mon plaisir, mon loisir, et en fait ça occupait quand même beaucoup de mes pensées. Bon, il y avait les moments où je jouais, mais il y avait aussi regarder les matchs, suivre l'équipe première ou alors le rugby professionnel. Et quand on grandit, petit à petit, on a envie d'en faire de plus en plus. Donc, ça, c'était d'abord avec les copains sur le temps libre, mais aussi aller s'entraîner tout seul. Et après, j'ai eu l'opportunité d'aller à Biarritz. Donc, enfin, j'ai eu une première opportunité où je n'avais pas voulu, un peu plus jeune, je ne sais pas trop pourquoi, je pense pas que je me sentais bien à Cambo. C'était en cadet, c'est ça? Ouais, c'est ça, en cadet, j'étais bien à Cambo, on avait quand même un groupe, on s'entendait bien, j'étais avec toi, Bichente, on a connu des petits titres qui ne représentent pas grand-chose, mais pour nous c'était peut-être aussi fort que d'être champion du monde. Et c'était pas facile à acquérir. Non, on a bataillé quelque chose. Hein. On n'était pas beaucoup, on se battait comme on pouvait avec nos armes, mais non, c'était vachement formateur. Et donc, une première fois, j'ai pas voulu y aller, et j'ai continué de jouer à Cambo, et c'était vraiment top. Et je pense que là aussi, j'ai beaucoup progressé. Et après, à 18 ans, c'est moi qui ai fait la demande un petit peu d'aller à Biarritz avec deux entraîneurs, Michel Monchot et Jérôme Etchegaray, qui m'avaient un petit peu poussé à y aller. Et donc, il m'avait ouvert les portes pour aller à Biarritz. Et donc, je suis allé à Biarritz avec, comment dire, une image d'arriver dans un grand club où ce serait hyper dur de jouer, ce serait hyper cadré, hyper structuré. En fait, une fois qu'on y est, on se rend compte que c'est pas comme ça. Et voilà, et donc j'ai passé 4 très belles années à Biarritz. Ouais, donc c'était ma prochaine question. C'est vrai que quand on était jeune, on a joué ensemble quelques années, enfin une année sur deux, parce que t'as un an de plus que moi, donc t'as 31 ans. Et c'est vrai qu'on a joué ensemble, mais aussi on a passé un paquet de temps dans les tribunes du BO, on va dire, Aguilera. Et donc du coup, quand t'es parti au BO, c'était quoi ton but? C'était d'essayer de jouer avec les meilleurs, tous les week-ends? Parce que c'est vrai qu'à Cambo... t'étais quand même un des meilleurs de l'équipe, et puis t'avais le potentiel pour aller... Enfin, c'est le chemin assez classique. On est un peu le meilleur un des meilleurs de l'équipe. On a envie de se confronter aux meilleurs, et on va souvent à Biarritz ou à Bayonne quand on est du Pays Basque. Donc, Ouais, bon, mais comme tu l'as dit, depuis petit, on allait voir les matchs à Biarritz. On avait à Noeta. Enfin, c'était le club qu'on supportait. Donc, tout d'abord, j'étais trop content d'aller jouer là-bas. J'étais hyper fier. Et après, c'était aussi se jauger un petit peu. Et puis, j'y allais vraiment avec l'idée de continuer d'apprendre parce que bon, j'avais déjà 18 ans. À notre âge, il y avait déjà des joueurs qui sortaient dans le monde pro, donc c'était pas forcément mon idée. J'y allais pas avec l'idée de faire une carrière, mais plutôt avec cette envie de compétiteur, de jouer à un niveau un petit peu plus dur, de continuer d'apprendre et de voir un peu comment ça se passait, de progresser. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai passé 4 bonnes années mais sans avoir de centre de formation où on va dire que je faisais pas partie des meilleurs ou j'étais pas dans les papiers pour accéder à plus haut et donc je m'en suis fait une raison mais c'est pas non plus ce que je cherchais dans un premier temps. Ouais, d'accord. Et donc du coup tu as aussi eu l'évolution de poste aussi parce que à Cambo tu as commencé donc en numéro 10. Ensuite, t'es passé vite en troisième ligne à Cambo déjà. Après, à Biarritz, t'es resté en troisième ligne. Et c'est Biarritz, il me semble, un espoir qui t'a fait passer au talent. C'est ça. En fait, je jouais troisième ligne, mais je fais que 1m80. Et pour le haut niveau, c'est quand même assez petit. Donc, j'avais fait la demande d'abord de passer talonneur dans les années Réchel. Je m'étais entraîné un petit peu, mais finalement, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de troisième ligne, il y avait déjà des talons, j'étais resté en troisième ligne. Et la dernière année espoir, il y a un blessé au talon, et du coup, en milieu d'année, il me propose de passer au talon. Donc moi, j'avais accepté, et les premiers matchs ont été très durs. Ça a été une boucherie, je pense. Mes cervicales s'en rappellent encore, mais... Après, ça m'a vite plu et petit à petit, donc, j'ai fini la saison en tant que talonneur à Biarritz. Et après, quand j'ai presque plus quitté ce poste, du moins, je suis allé après à Saint-Jean-de-Luz et au poste de talonneur. J'ai dépanné de temps en temps en troisième ligne, mais sinon, toujours talonneur. Et pourquoi tu voulais passer donc talonneur ? Parce que c'est vrai que tu as une... Depuis tout petit, on t'adore les premières lignes. On t'appelle à Cambo, on t'appelle Petrou Balan, parce que t'adorais ce joueur. Et t'as eu d'autres. T'as toujours aimé tous les premières lignes. Est-ce que ça y fait ou c'est juste que t'aimes vraiment jouer aux premières lignes ? Parce que je pense que ta mère, par contre, elle aurait préféré que tu restes en troisième ligne. Ah, ça a été compliqué. Bon, j'avais 20 ans, donc elle pouvait plus dire grand-chose, mais elle regrettait ça. Mais. Non, pourquoi ? Parce que toujours dans l'idée d'essayer de jouer au plus haut ou même de continuer d'apprendre. J'étais en troisième ligne, je savais que ma marge de progression n'était pas immense vis-à-vis de mon gabarit. Donc je me disais que peut-être qu'en talonneur, je pouvais faire un peu plus. Il a fallu aussi apprendre la mêlée, le lancer, c'est des choses qui m'intéressaient. Je suis parti dans ça, c'était pas... J'aimais beaucoup, beaucoup le poste de troisième ligne. Je jouais troisième ligne centre tout le temps. Mais ça ne me dérangeait pas du tout de changer de poste. Et donc, ça s'est fait un peu naturellement, en fait. Et avec cette idée peut-être que de me dire que je pouvais peut-être jouer à un meilleur niveau à ce poste. Ok. Voilà. Et donc, ensuite, après Biarritz, t'es parti Saint-Jean-de-Luz, 8 ans. Un titre de champion en Fédéral 2. Comment t'as vécu ces années-là ? Parce que tu quittes, donc t'as joué pour Cambo, ton club de toujours. Après t'es parti à Biarritz, ton club de cœur. Là t'arrives dans un club avec lequel t'as pas d'attache forcément, mais bon, t'as envie de bien faire quand même, je pense. Comment t'as vécu ces années-là et comment t'en ressors à la fin, quoi ? Ouais, j'allais un peu dans l'inconnu en fait. Donc je finis à Biarritz, j'arrive en limite d'âge. Je savais très bien que j'allais pas avoir de contrat derrière et j'ai quelques clubs du coin qui m'appellent, donc je les rencontre, et en fait, donc parmi eux, Saint-Jean-de-Luz, et en fait, j'ai beaucoup aimé la première approche. Déjà, il y avait les trois présidents de l'époque, Eric Bonachera, Eric Olasabal et Perico Arrieta, qui est encore actuellement le président. Et en fait, c'est vrai que quand on va dans ses premiers rendez-vous, souvent... On vous brosse dans le sens du poil, on se sent beaucoup plus fort que ce qu'on est. Et j'avais beaucoup aimé l'approche de Perico qui sortait de son boulot, donc il était un peu à bien trash tout encore. Je me souviens qu'il me rentrait un peu dedans, et qu'est-ce que j'attendais du club, et pourquoi je voulais venir à Saint-Jean. Et donc j'avais bien aimé cette approche où, c'était pas le club qui venait me draguer, mais c'était à moi aussi de m'intéresser au club où j'allais. Donc, de montrer que tu avais envie d'aller là-bas aussi. Ouais, voilà. Et puis, donc il y a ça qui m'a plu. Puis il y avait aussi toujours mon ambition de jouer, on va dire, au meilleur niveau où je pouvais jouer. Il y avait soit la Fédérale 2 à l'époque, soit la Fédérale 1. Et bon, le projet de Saint-Jean me paraissait plus stable et plus costaud. Donc j'étais à Saint-Jean avec l'idée de... Je pensais qu'on allait monter assez vite et après de jouer en Fédérale 1. Parce que quand on est dans les catégories jeunes, c'est difficile de se jauger, de savoir quel niveau on a réellement face à des adultes ou face aux catégories seniors. Des fois, quand on est en espoir, on est un peu... on se rend pas compte du niveau des seniors, ouais. On voit que ce qui se passe dans le professionnel, mais on en est très loin. Et donc moi, je ne savais pas jauger mon niveau. Je me suis dit que peut-être aussi, vu que j'étais jeune au niveau du poste de talonneur, d'aller en Fédéral 2, ça aurait été plus formateur pour moi, oui, que d'aller directement dans une équipe qui montait en Fédéral 1, qui serait un peu en difficulté en mêlée. Donc voilà, j'ai été à Saint-Jean et en fait, très bonne pioche, parce que l'année où j'arrive, on est champion de France de Fédéral 2, on vit une saison énorme, et donc bon, je crois que pour s'intégrer, il n'y a pas mieux. Tout s'est bien passé, il y avait un super groupe avec beaucoup de joueurs d'ici et beaucoup de mecs qui sont restés des très bons copains, on se retrouve tous les ans. Donc ça a été la bonne pioche. Ça, c'est important aussi d'avoir un bon groupe, c'est même la clé du rugby. Clé du rugby, je pense la clé de tous les sports collectifs, et s'il n'y a pas d'entente, c'est un sport collectif, donc si on y va que pour soi ou que pour se montrer à soi, je pense pas qu'on peut y arriver ou que le groupe puisse performer. Et donc du coup, tu passes 8 ans à Saint-Jean, où tu passes même capitaine, mais on en reparlera un peu plus tard. Et ensuite, donc en 2023, en début de saison, donc l'année dernière, tu signes à Dax. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça s'est passé? Alors Dax qui remonte en Pro D2, et donc du coup, qui te fait... Et ouais, donc c'est un peu... Non, c'est pas un peu, c'est complètement inattendu. Ça faisait 8 ans que j'étais à Saint-Jean-de-Luz, donc au fil des années, je me suis vachement attaché au club. Et puis c'est un club où on le transmet quand même vachement, ce que ça représente. Et l'attachement au club est quand même assez fort. Donc en plus, j'étais passé capitaine. On a vécu des phases finales tous les ans. Je me régalais. Et bon, là, j'étais à ma 8e année. J'allais entamer la 9e. Et j'ai 30 ans. Je commençais aussi à me dire que c'était peut-être les dernières. Et en fait, mi-août, c'était le mardi des fêtes de Camo. Je m'en souviens encore. J'étais encore un petit peu... j'avais pas fait le lundi, heureusement. Mais j'avais quelques restes et le réveil était compliqué. Et je reçois un message de l'ancien coéquipier de Biarritz, Michael Dallery, qui me dit « J'ai donné ton numéro à l'entraîneur de Dax, Hervé Durchetti, il va t'appeler dans la matinée. » Ah bon? Et donc, en effet, il m'appelle pour me dire que Elvis Lévy, le talonneur de Dax, s'est blessé. Il s'est fait une rupture du tendon d'Achille et il cherche un joker médical pour le remplacer pendant 6 mois. Et moi, un peu panique générale pour moi. J'imaginais pas du tout ça. Quand j'étais petit, je rêvais d'être professionnel, mais ça faisait longtemps que j'avais fait une croix dessus. J'étais plus du tout à la recherche de ça. Donc lui, il me dit, c'est le mardi, il me dit, ça serait bien que tu viennes jeudi, vendredi, t'entraîner avec nous. Comme ça, on voit un petit peu ce que ça donne. Et donc, on est déjà mi-août, la saison, elle va commencer dans 15 jours pour Dax, mais aussi pour Saint-Jean. Ouais. Moi, je suis capitaine dans mon équipe. Mon premier réflexe, c'est de lui dire, je dois appeler d'abord mon entraîneur, d'abord mon président, ouais, pour voir avec eux. Et puis surtout, c'est un énorme changement de vie, parce que là, je travaillais et le rugby, c'était mon loisir le soir et le week-end. Et en fait, là, il faut que je laisse tout pour aller faire que du rugby. Oui. Donc, il y a plein de questions qui se posent en tête et j'appelle direct les entraîneurs. Donc, devant, c'était Serge Mias, un très, très bon entraîneur que j'ai eu pendant des années. Et en fait, moi, j'avais peur de leur dire, mais eux... que ce soit les entraîneurs et les présidents, leur première réaction, ça a été « vas-y, c'est une opportunité incroyable. Tu vas vivre que du rugby pendant peut-être 6 mois, peut-être plus, et tu pourras vraiment te régaler. Donc, enfin, fais-le à fond et nous, t'inquiète pas, on se débrouillera. Voilà, donc déjà, ça m'a vachement rassuré. Ouais, déjà, t'avais ce poids en moins, Saint-Jean, ils étaient OK, quoi. Ouais, c'est ça, oui. Et puis, ça, déjà, bon, tu laisses tous tes copains et puis tu laisses ton quotidien où, dans lequel où j'étais très bien. J'étais éducateur de pelote, je me régalais au quotidien, j'étais bien dans mon boulot, enfin voilà, tout se passe bien et tu sais ce que tu laisses et tu sais pas trop où tu vas. Et donc, bon, je me dis, je vais faire les tests, c'est jeudi, j'ai rien à perdre. Bon, et ben, une fois qu'on y est, bien sûr, on a envie de se donner à fond. Donc, je fais les tests jeudi, vendredi, puis ils me disent, OK, nous, on est bon. Si c'est OK, à partir de lundi, tu commences. Et j'ai dû aussi appeler mon boulot. Eh oui, parce que t'as un boulot. Ouais. Donc, du coup, j'avais un boulot. Ouais, donc. Et pareil, donc, au boulot, j'ai eu de la chance. Alors, même si on était dans la pelote, mais c'est le milieu du sport. Ils ont compris que c'était une opportunité qui était quand même hyper intéressante pour moi. Donc, j'ai pris une dispo de 6 mois. Et donc, je suis parti à Dax. Ouais, donc, tout s'est fait en une semaine, en fait. Ouais, c'est allé très vite. C'est allé très vite. Et moi, je me rendais compte, mais... Ouais, en fait, c'était vraiment inattendu. C'est pas quelque chose que j'attendais, enfin, ouais, que j'attendais ou que j'espérais, du moins. Ouais. Donc, bon, c'était une très bonne surprise. Et donc, du coup, là, tu commences tes premiers entraînements, tes premiers matchs. Et est-ce que tu ressens une différence de niveau évidente ou est-ce qu'au final, c'est assez proche la Fédéral 1 de la Pro D2 Au début, je suis pas trop surpris par le niveau. Parce que, bon, je m'attendais à ce que ça joue mieux, mais. Pas tant que ça, enfin pas tant que ça, ça joue très bien, mais je suis surpris. Bon, physiquement c'est dur quand même. Au début c'est quoi dur. Qui est dur physiquement? C'est-à-dire qu'ils sont plus costauds, ça va plus vite, les deux. Ce qui est dur pour moi au début physiquement, c'est la charge d'entraînement dans la semaine. Ah ouais. Mais tu t'entraînes beaucoup plus, tu cours beaucoup plus, tu fais de la muscu que je faisais plus beaucoup. Donc ça c'est quand même assez. C'est assez lourd au début. Et après, dès que j'ai commencé à jouer, même à l'entraînement, en fait, il n'y a pas beaucoup d'opposition. Donc, c'était aussi difficile à jauger le niveau de jeu, vraiment. Et en fait, quand j'ai commencé mes premiers matchs, ben, comme si j'avais 12 ans et que je voulais prouver à des adultes, j'essayais d'aller un petit peu partout. Je me suis cramé tout seul. Et... Je me rappelle de ta première rentrée où je te voyais courir à droite, à gauche, à droite, à gauche. Ouais, c'est ça. Ouais. Au final, je touchais personne, mais je courais, quoi. Je me rappelle avoir dit à Alain, oh, putain, on dirait un border collie. Ouais, c'est ça. Non, c'était ça. C'était ça. Et en fait, bon, mais je me suis rendu compte qu'on fait peut-être moins de tâches que dans un niveau... comme Saint-Jean-de-Luz, mais par contre, tout ce qu'on fait coûte beaucoup plus d'énergie et il faut vraiment le faire à fond, parce que si on ne le fait pas à fond, ben on va louper notre plaquage, on ne va pas être efficace sur notre soutien. Donc voilà, c'est plus ça, rester dans ses tâches et trier un petit peu ce qu'on a à faire, quoi, plutôt que de vouloir tout faire et mal le faire. Voilà. Ouais, en fait, c'est chacun son rôle et il faut rester dans son rôle et pas essayer de faire... Ouais, voilà. Alors après, on a quand même la chance à Dax d'avoir un entraîneur qui nous laisse beaucoup de liberté et avec beaucoup de rôles, on va dire, libres. On peut faire plein de tâches différentes, mais en fait, c'est surtout le niveau de jeu et le rythme de jeu qui fait qu'on on peut pas être partout, quoi. Eh bien, écoute, Iban, je te propose qu'on fasse un petit jeu maintenant. Allez, on a fait un petit peu le tour de ta carrière, donc on va faire un petit jeu et après on va revenir pour d'autres questions. C'est parti. Alors, le petit jeu. Alors, le petit jeu, c'est simple, c'est je te fais deux ou trois propositions et tu me dis ce que tu préfères. Donc, tu préfères la Real Sociedad ou Athletic Bilbao? La Real, mais sans... Biarritz, Bayonne ou Dax? Ah, maintenant Dax, je pensais jamais dire ça, mais maintenant Dax. Être champion du monde avec la France ou jouer la Coupe du Monde avec Euskal Selekzioa? La Coupe du Monde avec Euskal Selekzioa. Pogacar, Vingard ou Evenepoel? Pogacar, ça m'embête parce qu'il gagne tout, mais de base c'était lui. Allez, Evenepoel. OM ou PSG? Marseille. traverser les Pyrénées en courant ou à vélo? J'aime beaucoup les deux. J'aime beaucoup les deux. Allez, on va dire en courant. Okay. Dupont ou Wilkinson? Wilkinson. Ah oui. Schumacher en F1 ou à ski? Bon, allez, je te laisse. Pas la peine de répondre. Nadal, Federer ou Djoko? Djoko. Okay. Usain Bolt ou Michael Phelps? Usain Bolt, parce que je sais vraiment pas bien nager. Petru Balan ou Califano? Ah, Petru Balan, hein, malgré moi, mais c'était le surnom, donc c'est pas trop le choix. Eh bien, merci beaucoup, Yohan. Donc, ce petit jeu bon, qui nous a fait découvrir un petit peu plus tes goûts. donc, on va revenir à des questions un peu plus classiques. Donc, sur ta saison, un petit peu. Là, on a vu Dax qui a commencé cette saison, qui a très bien commencé, vu que vous avez 3 victoires. Et tu n'es pas étranger, puisque tu as été élu meilleur joueur de la seconde journée de Pro D2. Et personnellement, moi, je trouve que sur déjà le début de saison cette année, on te voit que physiquement, t'es beaucoup mieux. Est-ce que d'avoir fait la préparation avec... je pense que t'as fait la préparation complète cette année que t'avais pas faite l'année dernière. Est-ce que ça change déjà le... Ouais, je pense aussi. Bon, déjà, je me suis adapté au niveau. Et c'est vrai qu'en fait, l'année dernière, j'étais arrivé... bon, ça, je leur avais pas dit, mais un peu en méforme. D'habitude, je suis sérieux l'été, mais là, j'avais été en vacances, j'avais une inflammation sous le pied qui m'empêchait de m'entraîner. Et ouais. Donc, j'étais vraiment pas arrivé au top, on va dire. Et bon, au fil de l'année, ça allait mieux. Et puis, comme je t'ai dit, au début, je voulais aller partout, je me cramais un peu pour rien. Là, donc cet été, j'ai pu faire la prépa complète, ce qui aide beaucoup. Et vu que je me sens aussi beaucoup mieux dans l'équipe, dans le système de jeu, donc mes repères sont meilleurs et donc je pense que tout ça, ça y aide beaucoup, mais c'est vrai que sur le terrain, je me sens beaucoup mieux qu'au début. Ouais, ouais, ça se voit, parce que là, dès que tu fais... Et puis, je trouve que ce que tu viens de dire, que chacun a son rôle, on voit que tu t'y tiens, que t'as ta tâche, que t'as... Et tu fais bien chaque... tu respectes le plan de jeu, je sais pas si je suis clair, mais... Oui, oui, non, c'est ça, et puis en fait, si tu le respectes pas... Bon, mais déjà, tu brûles de l'énergie pour rien. Mais en plus de ça, tu ne feras pas forcément de meilleures choses parce que tu ne seras peut-être pas servi avec le ballon ou alors tu te retrouves à des endroits où tu ne dois pas y être et tu ne vas pas forcément en servir à quelque chose. Alors que ben, si tu es mieux placé, ben forcément, tu as plus de chances de jouer, de te montrer un petit peu et, ou de défendre aussi. Et donc, voilà, j'essaye de rester aux tâches qu'on me demande. Ouais, il faut savoir ralentir un peu pour être au bon endroit quasiment. Ouais, c'est ça, mais par contre, du coup, quand c'est à toi de le faire, ben, d'y aller à fond, quoi. Parce que j'avais l'habitude avant d'aller partout et de faire tout à 80%, ben, maintenant, il faut en faire moins, mais à 100%. Ouais. Après aussi, d'être dans une équipe qui gagne, là, 3 matchs, 3 victoires, même si la dernière a été un peu plus compliquée. Ouais. Non, c'est vrai qu'on a un bon début de saison. Bon, on avait fait une super saison l'année dernière. Déjà. On a réussi à se qualifier, ce qui était la première fois pour un promu, parce que le club venait de monter en Pro D2. Et on a réussi à se qualifier. Bon, nous, on savait que c'était un peu un exploit, mais on a quand même mérité, je pense, au fil de l'année. Et là, cette année, ben, on est encore vu comme des petits. On est toujours des petits, mais on a bien commencé avec 3 victoires. Donc, bon, c'est vrai qu'on est peut-être aussi sur la lancée de l'année dernière. On n'a pas eu beaucoup de changements. C'est toujours les mêmes entraîneurs. Quelques anciens qui ont été remplacés, mais pas beaucoup de nouveaux. Donc, c'est vrai qu'aussi dans notre système de jeu, il n'y a pas beaucoup de changements, ou du moins tout ce qu'on apporte, c'est du plus. Donc, je pense que ça aide aussi à faire un bon début de saison. Et puis, bon, notre objectif, c'est le maintien. Et c'est vrai que tous les points qu'on prend maintenant, ils ne seront pas à aller chercher en fin de saison. Donc, ils sont importants. J'allais te poser la question justement, si vous aviez des objectifs, tu dis que c'est le maintien, mais bon, en ayant joué, en étant qualifié l'année dernière, commencé par 3 victoires, est-ce qu'on se dit pas non. qu'on peut viser plus haut? Non, parce que c'est tôt, quand même, très très long la Pro D2, c'est très très long, ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Et l'année dernière, ben, on avait commencé avec 2 défaites, on avait pris presque 100 points en 2 matchs, et au final on finit très bien l'année. Donc là, l'idée, c'est de prendre un maximum de points et on commencera à compter un peu plus tard. Ouais. Objectif maintien. Et si on, si on le valide assez tôt, après on essaiera de faire un peu plus, mais on brûle pas les étapes. Mais c'est vrai que quand on regarde la Pro D2, c'est quand on regarde le calendrier, il y a pas un match facile, quoi. C'est, ouais, c'est ça. Tous les matchs, t'as l'impression que c'est des matchs. Soit c'est des matchs où on sait que c'est des grosses équipes, soit c'est des matchs pièges. Ouais, fois, c'est ça. Il y a de très grosses équipes cette année. Il y a des équipes qui sont vraiment renforcées en termes d'effectifs avec des joueurs étrangers ou des gros budgets. Et puis il y en a d'autres qui sont des habitués de cette division avec des joueurs qui ont l'habitude de cette division aussi. Et je pense que ça, c'est très important. Et ouais, tous les week-ends c'est compliqué. Donc je pense que c'est aussi notre force, c'est qu'on a un système de roulement dans l'équipe où certaines équipes, on va dire, ont 15 types et font tourner de temps en temps, et c'est plus compliqué pour les remplaçants quand ils jouent. Nous, il y a du roulement qui se fait quasiment tous les week-ends. Donc ben, ceux qui jouent, ils ont envie de jouer, ils ont envie de prouver. Et ceux qui sortent sont un petit peu déçus, mais quand c'est à leur tour... Voilà, on a toujours du sang frais qui rentre, donc je pense que ça a été notre force l'année dernière et j'espère que ça le sera cette année. Ouais, d'ailleurs, est-ce qu'on te fixe des objectifs individuels en début de saison? Les entraîneurs, ils viennent te voir et te disent « j'attends ça de toi, on va faire tourner, tu vas être numéro 2, tu vas être numéro 3 » ou il n'y a pas de logique, c'est le meilleur qui joue, comment ça se passe? Il n'y a pas trop de logique, du moins... On peut dire des fois ils peuvent nous dire les attentes ou du moins si on joue pas pourquoi ou sur quoi il faut travailler. Bon, bien souvent on sait, hein, sur quoi il faut travailler quand même. Ouais. Mais et après c'est à toi de gagner ta place. Voilà, ce qu'il y a de bien dans ce roulement, tu sais que même si tu fais un mauvais match, tu seras pas forcément sanctionné ou mis au placard de moi, tu auras assez vite ta chance. Et puis si des fois c'est un peu rageant, si tu fais un bon match, t'enchaînes pas forcément, mais bon, souvent quand même, si tu fais des bons matchs, quand il y aura les gros matchs ou les derbies, t'as plus de chances d'y être, quoi. Ouais. Donc, voilà. Bon, mais c'est bien. Et c'était le cas aussi à Saint-Jean-de-Luz? Ça se passait comment, Saint-Jean-de-Luz? Non, pas trop. On était quand même sur des équipes type et on donnait la chance sur des matchs à l'extérieur où, c'était quand même... Il y avait moins de roulement. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui font ça, mais là, c'est aussi... Bon, c'est le souhait du coach parce que le championnat est très très lent et il y en a peu, ou du moins physiquement c'est dur de faire 25 matchs sur 30 par exemple, donc il faut essayer de mettre du roulement en place et en fait au final quand il y a 3 ou 4 joueurs qui rentrent dans l'équipe, l'équipe elle est pas impactée parce qu'on a l'habitude de ce roulement et les joueurs sont, je pense qu'on a un groupe homogène. Tout à l'heure donc tu nous parlais que tu avais eu un peu de mal sur la charge de travail au début, enfin un peu de mal, que ça avait été un peu compliqué au début. Comment ça se passe une semaine d'entraînement, une semaine de match? Tu nous dis un peu c'est quoi ta semaine type Alors j'avais du mal sur la charge de travail, mais j'avais été aussi surpris du temps libre. On a beaucoup de temps libre. Et du coup, au début, pas l'habitude, je voulais faire beaucoup de choses de mon temps libre. Parce qu'avant, le soir, soit je m'entraînais, soit j'avais entraînement des petits à la pelote. Je faisais plein d'activités. Le week-end, vu qu'on joue le vendredi, on a souvent le week-end de libre. Je faisais plein de choses. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas possible, qu'il fallait garder ce temps aussi pour se régénérer, pour faire la sieste, pour se reposer. Ou pour s'entraîner aussi un petit peu de son côté. Et donc une semaine type, on a lundi toute la journée, mardi toute la journée, le mercredi c'est repos, jeudi une bonne matinée, et le vendredi le match, et samedi matin la récup. Ok. Voilà, donc ça laisse quand même du temps libre. Et c'est vrai que qu'est-ce que vous faites aux entraînements? Parce que je me dis que vu comment ça cogne pendant les matchs, tu peux pas faire de contact ni rien la semaine. Il faut récupérer un petit peu parce que... Ouais, mais on est quand même mieux préparé aussi. Ouais. Donc, c'est ce qui m'a surpris aussi par rapport à la Nationale 2 où j'étais avec Saint-Jean. Physiquement, on est mieux préparé. On fait beaucoup plus de musculation. Donc, et le lendemain, tu travailles pas. Et ça, c'est une grosse différence. J'étais plus fatigué ou beaucoup plus courbaturé à Saint-Jean-de-Luz que à Dax, aussi parce qu'on joue un peu moins de temps. Et donc qu'est-ce qu'on fait dans la semaine? On a les lundis, mardis, ça se ressemble quand même, il y a deux grosses séances de musculation, il y a du travail séparé, donc pour nous les avant de la touche et de la mêlée, et l'après-midi on fait du collectif et il y a aussi pas mal de vidéos. Ouais. Et après le jeudi on va faire de la vitesse et de la mise en place. Okay. On revoit un petit peu ce qu'on veut faire pour le match. Ouais. Et puis après, en début de saison, grosse préparation physique, je suppose. Ouais, voilà. Là, on a fait un gros mois où on avait fait beaucoup de préparation physique, où les journées sont quand même assez lourdes. Hein. Le soir, il ne reste plus beaucoup de choses dans le sac à dos. Ouais, tu m'étonnes. Mais bon, après, c'est plaisant. Enfin, en fait, c'est dur, mais déjà, on fait ce qu'on aime. Ouais. Et puis... l'été là, il n'y a pas de pression de match, il n'y a pas de pression d'être dans l'équipe ou non, pression de résultat, donc c'était vraiment hyper plaisant quoi. Ouais. Il fait beau, tu te lèves le matin, tu vas pour t'entraîner, pour courir et te donner à fond. Bon, je pense qu'il y a pire, enfin du moins pour moi c'était vraiment que du plaisir. Bon Iban, avant que tu viennes, je t'ai demandé de choisir une chanson. Je te propose qu'on l'écoute, après tu vas nous dire pourquoi tu as choisi cette chanson. Et donc c'est Marseille de Kenny Arcana. Marseille et sa production, signore. N'essaye pas d'ignorer. Ville, MARS, pas besoin de te présenter ma ville. Ça rappe depuis les premières heures, microphone branché à vif. Ça rappe dans tous les coins, se rappelant du rap d'hier. Troisième génération d'MC arrive déjà à la quatrième. Identité marseillaise, ni New York ni Atlanta. Nous on reste fidèles à nous-mêmes, on attend pas, nous on s'en bat. On garde l'honneur des gens d'en bas, énervé ou nonchalant. Trop sincère, numéro 1 s'appelle à jamais Luciano. Marseille, Marseille, a toujours fait vibrer la France. Ce fut un temps où tout l'hexagone rappait même avec l'accent. J'en place une pour les absents, puis une autre pour tous nos anciens. J'ai dit qu'on chiale toi, mais ferme-la et colle ta tête aux anciens. Nous on rappe avec des principes, même sur le cœur avec des principes. Et j'insiste car dans ce bistrot de frères qui vacille. Faire le fou c'est facile, rester vrai c'est fragile. MARS c'est magique, un peu de cœur t'enraye la machine. Tu verras pas venir le coup d'éclat. L'école du rap de Mars. Qui a dit que le rap du sud était mort? Ici le flux est énorme. 1, 3, centre-ville, quartier sud, quartier nord. Marseille, Marseille, Marseille. Qui a dit que le rap du sud était mort? Si le flou était nul, un droit centre-ville, quartier sud, quartier nord. Marseille atterrit dans les chartes, revoilà le vaisseau spatial. Y'a ceux qui restent et ceux qui partent, nous c'est du vrai son spatial. C'est notre histoire qui parle d'elle-même. C'est le mec à vouloir faire du fric, mon frère, il s'est foutu dans quelle merde. Des balles envoyées pêle-mêle, le son c'est la cour martiale. Les MC cherchent la somme, la vie de rêve, le jeu du Barça. En face d'Alger et de Gaza, de ceux que ceux qui gouvernent ignorent. Trafiqué western, ignoble, miracle et destin, ignoble. Rien à prouver à personne, faut juste répéter les coups. Que ceux qui viennent pour défiler ne viennent pas nous péter les couilles. Les coups, micro ouvert, je compte rester jusqu'à plus d'heures. Chez nous même les voyous ont du respect et de la pudeur. Je suis de ceux qui forcent avec les crocs, comme ne se forcent avec les mots. Je traite pas avec les flûtes, avec les torques, avec les faux. Je vide mon chargeur, vacciné et majeur. Marseillais et rageur, de ceux qui savent rimer en levant le majeur. Tu verras pas venir le coup d'éclat. L'école du rap de Mars. Qui a dit que le rap du sud était mort? Ici le flux est énorme. 1, 3, centre-ville, quartier sud, quartier nord. Marseille, Marseille, Marseille. Qui a dit que le rap du sud était mort? Si le flou était nul, un droit centre-ville, quartier sud, quartier nord. Tu peux pas tester esprit rebelle pour la vie, nos écrits se lèvent à l'heure où ceux qui touchent des primes se testent. Force ceux qui méprisent notre rêve, dédie ce texte à la ville à part. Si t'es marginal, mise à part que de la ruse, elle est la capitale. Ma ville fout la haine au nord, m'attirante comme les phéromones, bouillante comme le vélodrome, mais beaucoup plus ancienne que Rome. Sais-tu seulement d'où vient la dimension identitaire de l'indépendance vécue à travers quelques millénaires? Une longue histoire d'immigration, un autre œil sur l'horizon, subissant intimidation, orgueil et trahison. À l'époque d'Hitler ou à celle des rois tout rose, elle a toujours levé un doigt au péril et au couronne. En ce moment ça part en couille, ça parle en douille dans la zone. Comme partout ça cartonne pour de la monnaie, tout pour les grosses structures, rien pour le mystère. La capitale de la rupture c'est pour 2013. Tu verras pas venir le coup d'éclat. L'école du rap de Mars. Qui a dit que le rap du sud était mort? Ici le flux est énorme. 1, 3, centre-ville, quartier sud, quartier nord. Marseille, Marseille, Marseille, Marseille. Qui a dit que le rap du sud était mort? Ici le flux est énorme. 1, 3, centre-ville, quartier sud, quartier nord. Marseille, Marseille, Marseille, Marseille, Marseille. Marseille. Marseille, Kenny Arcana. Ah, ça fait du bien, Kenny Arcana. On a vu en concert un paquet de fois ensemble. Ouais. Aussi. Il y a Chiseta, sûr. Ouais. Et ouais. Ouais, je crois que. Mais deux fois, au moins deux fois, il y a Chiseta. Deux fois au festival, ouais. Vraiment cool. Pourquoi t'as choisi cette chanson, Yvonne? Alors, c'est pas tellement la chanson qui m'intéressait, mais plutôt l'artiste. Enfin, en fait, avant les matchs, j'ai pris l'habitude d'écouter Kenny Arcana. Ouais. Voilà, avant, j'écoutais Rammstein avant les matchs. Maintenant, c'est Kenny Arcana depuis quelques années. Un peu, un peu de la superstition aussi, parce que bon, mais c'est mon habitude et que ça se passe plutôt bien depuis quelques années. Donc, j'ai gardé elle. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup ce qu'elle raconte aussi. Et je trouve que c'est assez entraînant, ça me met dans ma bulle, donc voilà. Je comprends. Et puis j'ai choisi Marseille, bon, un petit clin d'œil parce que je supporte l'OM au foot, mais voilà, pas non comme plus. Comme tout bon Cambois, quasiment, t'es pour l'OM. Tout le monde me dit ça de toute manière. Cambois, vous êtes pour l'OM et pour le BO. Ouais, c'est vrai qu'en général, beaucoup en quand général, même. Et la Real. Et la Real. Et la Real, mais. Non, voilà, bon, je ne suis pas à la vie, à la mort pour l'OM, mais c'est le club que j'aime bien, donc voilà. D'autres superstitions, un slip porte-bonheur comme ça, non, rien. Non, pas trop, j'ai essayé de m'en détacher parce qu'on peut vite, ouais, tomber dans vite la en mettre beaucoup, et non, j'ai essayé de m'en détacher, voilà, j'ai que Kenny Arcana, puis j'essaye même maintenant, j'ai rajouté d'autres musiques dans ma playlist d'avant-match, voilà, c'est... Oui. Le bandeau, t'as pas joué avec le bandeau la dernière fois, tu joues plus avec le bandeau. Si, mais en fait, bon, j'avais pas de Chatterton, du coup, avec la transpiration, il a lâché, mais ouais, le bandeau, bon, ça avait commencé pour se protéger les oreilles, c'était soit un bandeau, soit le casque, et j'ai gardé le bandeau au fil des matchs, et puis c'est vrai que c'est un peu aussi pour se mettre dans sa bulle, une fois que j'ai mis le bandeau, ben, c'est parti, quoi, et voilà. Donc, bon. Maintenant, j'aimerais évoquer avec toi un rôle que tu fais depuis que tu as commencé le rugby quasiment, c'est le rôle de capitaine. C'est vrai que quand je parle de toi avec les gens autour de moi, je dis Iban, pour moi, avant d'être un bon joueur de rugby, c'est surtout un excellent capitaine. Je pense que c'est un rôle qui te colle à la peau. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de ce rôle, toi? Bon, je ne sais pas trop si c'est un rôle qu'on choisit ou du moins qu'on travaille. Moi, c'était venu naturellement dans les équipes jeunes. C'est quelque chose qui me plaît bien aussi, hein, de gérer un petit peu, enfin non, c'est pas de gérer, pas du tout, mais d'être, on va dire, porte-parole de l'équipe, de parler aux mecs, d'essayer de trouver des leviers de motivation, donc ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et ouais, c'est venu naturellement, je l'ai fait en jeune, et après on m'a donné un petit peu ce rôle à Biarritz, c'est petit à petit à Saint-Jean, alors... Pourquoi, je sais pas trop, c'est difficile à dire, mais c'est quelque chose qui me plaît. Voilà, et puis je suis pas un grand bavard au quotidien, mais ça, quand je suis dans un vestiaire ou quand je suis avec quelque chose que je maîtrise, eh bien, ça me dérange pas de prendre la parole devant tout le groupe, chose que tout le monde ne veut pas ou ne peut pas faire non plus. Donc peut-être que ça aide aussi à avoir ce rôle. Et voilà, j'aime bien aussi participer en fait dans la vie du groupe, que ce soit sur le terrain mais aussi en dehors, en organisant des choses, en essayant de faire vivre ce groupe pour qu'il fonctionne bien. Donc peut-être aussi, je pense que ça aussi c'est important dans le rôle des leaders ou du capitaine. Ouais, mais maîtriser un peu toute la vie du groupe et être au courant un peu de tout. Et puis c'est vrai que je trouve que tu, dans ce que je me souviens, tu sais bien rassembler les gens. C'est-à-dire que même si y a des gens que dans la vie de tous les jours, tu côtoies moins et peut-être que tu apprécies moins sur certains aspects de leur personnalité, c'est vrai que quand même tu arrives pendant 80 minutes à faire tirer tout le monde dans le même sens et à se dire bon allez, les gars, là on est une équipe, quand on est aux entraînements et aux matchs, y a pas de on s'aime pas ou toi t'as fait ci, toi t'as fait ça, c'est on est focus et on a un objectif, c'est gagner le match. Ouais, mais c'est ce qui me plaît aussi au rugby, c'est que on rencontre des gens qu'on ne connaîtrait pas au quotidien ou avec qui qu'on ne fréquenterait peut-être pas parce qu'on n'a pas forcément ben, les mêmes occupations ou les mêmes idées politiques ou les mêmes activités hors du rugby, mais j'aime bien cette idée qu'on soit tous réunis pour défendre quelque chose en commun et qu'on soit, entre guillemets, prêt à tout pour le défendre et voilà, rassembler autour de ça, mais aussi essayer de essayer de partager des valeurs ou des choses qui sont importantes pour soi ou pour le club, j'aime bien rassembler tout le monde autour de ça. Voilà, par exemple, à Saint-Jean-de-Luz, je sais qu'il y a quand même une grosse appartenance au Pays Basque et à la ville de Saint-Jean-de-Luz. Et ça, on me l'a inculqué, j'avais beaucoup apprécié. Et du coup, derrière, après, j'ai essayé de l'inculquer parce qu'il y a des joueurs qui venaient de soit des étrangers ou de l'extérieur, essayer de leur faire comprendre que chez nous, ça ne fonctionne pas forcément comme dans un club lambda, ou qu'on a une appartenance au Pays Basque, il y a des couleurs particulières, il y a différentes choses qu'on défend. Et pour moi, c'est important de le savoir et c'est important de le transmettre. Donc, ça, c'est quelque chose qui me plaît. Ouais, transmettre. Et il y a une autre aussi facette, c'est que tu es quelqu'un quand même qui connaît bien les règles. C'est vrai que tu as fait un peu d'arbitrage aussi, il me semble. Ouais. Donc, du coup, c'est vrai que quand tu dois parler à l'arbitre, tu le fais plutôt bien. Donc, je pense que ça aussi, ça peut aider. Oui, jeune, j'avais fait quelques réunions d'arbitre. J'avais arbitré un tout petit peu. Ça m'avait honnêtement pas trop plu, mais je pense que ça m'avait apporté en tant que joueur de bien connaître les règles, de voir aussi comment fonctionne un arbitre. Et c'est vrai que j'essaye, dans ta relation avec l'arbitre, t'es différent parce que t'as déjà été à l'autre place, et je pense que ça aide aussi. Oui. Ouais. Et dans les niveaux un peu plus supérieurs comme Saint-Jean-de-Luz ou Biarritz ou Dax, est-ce qu'il y a des mecs qui ne connaissent absolument pas les règles, ou très peu les règles? Parce qu'à Cambo, on a envoyé un paquet qui jouait avec nous, qui connaissait une règle sur deux, je pense. Et pourtant, ils ont continué longtemps. Il y en a, ils ont joué 20 ans et sans connaître une règle. Faire la passe derrière et c'est tout. Dans les regroupements, des fois... Tout le monde connaît quand même la plupart des règles, mais oui, quand même, tout le monde connaît la plupart des règles et tout le monde s'intéresse. Après, c'est un groupe, donc dans un groupe, il y a de tout, quoi. Comme au boulot, il y en a qui sont vachement assidus sur quelque chose, d'autres non, ou comme un groupe d'amis, il y en a qui vont avoir beaucoup plus d'intérêt pour quelque chose que d'autres. Donc, il y a un petit peu de tout, même si on est dans le monde professionnel, il y a de tout. Oui. Et en parlant des règles, les règles qui évoluent, toi, tu vois ça comment? Parce que c'est vrai que moi, j'ai un peu... C'est vrai qu'il y a certaines règles qui commencent... Je trouve que maintenant, dans le rugby, l'arbitrage a une part beaucoup trop importante et que même dans les mêlées, ils ne pénalisent pas forcément ceux qui avancent. Enfin, il y a moins de logique dans l'arbitrage et on fait de plus en plus du rugby pour les gens qui n'aiment pas le rugby, je trouve. Et que... Complètement. Moi, ce qui me dérange un petit peu, ou ce que je trouve surprenant, c'est que j'ai l'impression que tous les étés, il faut des nouvelles règles ou des évolutions dans le sport, dans ce sport. Alors, c'est vrai qu'il faut faire évoluer les pratiques pour la sécurité des joueurs, mais pour son attractivité, ou parce que des fois, on se rend compte qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles. Mais j'ai l'impression que tous les ans, il faut 5-6 nouvelles règles. Donc, il y a les nouvelles règles, mais il y a aussi les directives qu'ont les arbitres. Donc, une année, ils vont être hyper rigoureux sur l'introduction du ballon en mêlée. Ça dure 3 mois. Et puis après, c'est autre chose. Donc, c'est un petit peu compliqué. Puis, il y a beaucoup d'interprétations. Il y a beaucoup, beaucoup de règles. Et du coup, ça amène aussi beaucoup d'interprétations. C'est ça. Donc, c'est assez compliqué. Il y a beaucoup de phases de jeu où en fait, on se rend compte que les deux sont pénalisables quasiment. Oui, c'est ça. Notamment sur les zones plaqueur-plaqué. Enfin, on voit, il y a des... Donc, l'arbitre a beaucoup de place, mais sa place, elle est de plus en plus dure aussi. Parce que ça, c'est sûr. Déjà, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Un petit peu comme au foot, maintenant, il y a la télé, il y a les ralentis. Donc, tout le monde donne son avis aussi. Et quand on a vu l'action à la télé ou qu'on l'a vu 3 fois passer au ralenti, tout le monde a son avis et tout le monde sait ce qu'aurait dû faire l'arbitre. Mais sur l'instant T, c'est plus dur. Donc, c'est assez compliqué parce que c'est un sport très complexe, différentes phases de jeu, beaucoup de règles. Et puis, en fait, les règles... Aujourd'hui, ce que veulent les instances, c'est qu'il y ait beaucoup moins de temps d'arrêt, que ça devienne beaucoup plus un spectacle, comme tu dis, pour des gens qui n'ont pas l'habitude de le regarder. Donc, ils veulent pas trop... Ils veulent que les mêlées ne durent pas, que les molles ne durent pas. Et c'est des phases de jeu, phases de conquête qui sont très importantes dans le rugby et dans son ADN, quoi. Ouais, c'est vraiment les phases d'affrontement et c'est peut-être même la base de ce sport. Donc, c'est un petit peu compliqué. Alors, on est obligé de s'adapter, hein, mais bon... Et puis, vu qu'on rentre aussi beaucoup plus dans l'analyse de ce sport avec des stuffs qui sont beaucoup plus poussés, ben, on est toujours dans le contournement de la règle ou comment s'adapter à la nouvelle règle. Donc ça amène aussi à une obligation à faire évoluer ce sport. Ouais, moi, mon boulot, des gens qui n'ont pas l'habitude de regarder le rugby pendant la Coupe du Monde, après la demi-finale Afrique du Sud de l'Angleterre, ils se disent « Mais qu'est-ce que c'était nul ce match ?» Je me dis « Mais je crois que c'est mon match préféré de la Coupe du Monde. Mêlée chandelle. Le 15 anglais qui était inconnu au bataillon quasiment, qui prend tout sous les chandelles, je vais être incroyable. » Ils se disent « Mais c'est nul. » Moi, je trouve que c'est l'essence même du rugby. C'est-à-dire que être bon en mêlée, bon en touche, et si tu as des ballons en mêlée, bon, tes ballons en touche, normalement, tu gagnes le match. Ouais, c'est ça. Puis bon... Moi, j'aime beaucoup quand même le jeu à jouer. Je préfère avoir le ballon et jouer avec. Mais c'est vrai que même quand on supportait Biarritz, qu'on allait les voir, c'était un peu l'ADN de l'équipe. Donc, on a été bercé avec ça. Et puis, je pense que tous ceux qui t'ont analysé ça, la semaine d'après, ils t'ont analysé que l'arbitrage de France Afrique du Sud avait été lamentable. Mais bon, voilà, encore une fois, quand on est dedans, c'est dur. Et quand il y a la vidéo et quand on n'y connaît rien... C'est toujours plus facile de donner son avis. Mais moi, par exemple, je leur disais que je trouvais pire l'arbitrage pour l'Angleterre qui se fait sortir la semaine d'après, parce que la dernière mêlée, je n'ai toujours pas compris comment ils se font pénaliser. Vrai, ouais. Mais bon, on va pas rentrer dans les détails. Bon, mais fini de parler de rugby, peut-être on va parler un peu de sport en général. Donc tu nous as dit que t'aimais bien l'OM, et ça, quel sport t'as pratiqué, quel sport tu pratiques et quel sport tu aimerais pratiquer? Bon, j'ai commencé avec du foot et j'ai fait de la pelote, la main nue. Bon, j'ai quand même beaucoup aimé les sports courts en général. Oui. Donc, j'ai continué à suivre le foot, mais aussi la pelote. Je regarde pas mal de foot à la télé. Je suis beaucoup la Real et un petit peu Marseille. Et après, je regarde aussi la main nue. Voilà, je prends plaisir les week-ends à aller voir une partie en trinquet ou aller voir des copains jouer. Et après, en loisir, je fais de la pala avec des copains ou le tournoi de cambo, des trucs du genre pour vraiment s'amuser, quoi. Pas du tout pour se prendre la tête ou quoi. Puis après, avant, j'allais beaucoup courir. J'ai aussi fait du vélo, un peu de montagne. Le sport d'endurance, j'aime beaucoup. Puis, dans notre groupe d'amis, on a la chance d'avoir quand même beaucoup de sportifs, ou du moins en loisirs, et eux vont aussi courir, faire du vélo. Et en fait, je me rends compte que j'aime beaucoup, beaucoup le sport. J'en ai toujours fait, et j'en ai fait aussi mon métier avant d'être rugbyman, mais j'aime aussi beaucoup partager, quoi. Donc, j'aime aller courir, mais j'aime encore plus aller courir avec quelqu'un. Ouais. On l'a partagé les efforts, j'aime beaucoup ça. Et c'est des efforts, la course à pied ou le vélo, c'est des efforts qui sont très durs, qui demandent quand même beaucoup d'efforts physiques, mais aussi dans le mental. Ou même si on partage ou on est en compétition avec ses copains, il faut être fort dans la tête pour pouvoir pas performer, parce qu'on le fait entre nous, pour aller chercher le meilleur de soi. Oui, mais des fois, être avec juste un copain, ça suffit pour aller au bout de soi-même. Hein. Largement, largement. Et donc, du coup, après le rugby, tu vas être plutôt quoi, toi? Tu vas faire du trail comme tout le monde? Tu vas faire du golf comme Laurent Blanc? Tu vas faire du paddle comme tous les blaireaux ou... petite pique. Le golf, c'est sûr que non. Paddle, non plus, parce que j'aime bien quand même la dépense physique. J'ai essayé deux fois et je me suis... Non, je n'ai pas accroché, mais... Bon, j'aimerais faire beaucoup plus de pelote que j'ai pas pu faire pendant le rugby, quoi, parce que quand même ça prenait beaucoup de place. Et après, des sports d'endurance, j'ai pas envie de... J'ai beaucoup de copains qui font du trail, mais ça me fait un peu peur parce que je les vois, pas dans l'addiction, mais basculer vachement dans ça. Moi, j'aimerais juste peut-être faire une ou deux très longues courses pour voir un petit peu... ce que ça donne, pas ce que ça donne dans mon niveau de sport ou dans les performances, mais ce que ça procure comme sensation, jusqu'où on peut aller aussi au plus profond de soi quand ça fait 10 ou 15 heures qu'on court tout seul dans la nuit, dans la forêt, qu'on se demande pourquoi on est là. C'est un peu con, mais j'ai envie de connaître ça et d'avancer sans objectif un peu. Hein. C'est-à-dire juste pour aller au bout, bon, gagner un t-shirt. Ouais, comme ça, c'est pas très attrayant, mais j'ai envie de connaître ça. Et voilà, non, on peut, ouais, après, je me prends vite à tous les sports. Donc, pareil, si demain, je sais pas, moi, j'ai trois copains qui se lancent dans du hand loisir, peut-être que j'irai aussi faire du hand loisir et j'aimerais partager avec. Là, on a à une période, on avait un créneau de foot où on jouait en foot sur demi-terrain et j'adorais ça, quoi. Ouais. J'adorais, mais tu découvres d'autres sports. Voilà, bon. J'accroche pas trop avec les sports de glisse. Tout ouais. simplement, bah, je suis trouillard. Et après, sport de combat, j'en ai pas fait beaucoup non plus, mais ça m'attire pas beaucoup. Ouais, tu m'as quand même éclaté un paquet de fois quand on était gosse, mais je sais pas si ça compte. Mais... Il y avait pas trop de règles, là. C'était dans le lit et un contre un, non, c'était pas. Et donc, du coup, j'ai une petite dernière question pour toi, Ivan. Donc, nous, on est une radio qui diffuse en français, mais aussi en basque et en occitan. Quel rapport t'as eu parce que toi tu parles basque couramment et tu parles avec ton entourage, tu parles en basque. Quel rapport t'as eu avec la langue et la culture basque dans le sport en général et quels ont été tes obstacles et ou sinon qu'est-ce que t'as pu amener grâce à cette culture, à cette langue? Bon, déjà ça a été ma langue maternelle, le basque, donc enfin je peux même pas dire que c'est très important pour moi parce que c'est essentiel connais. Ou du moins c'est ma langue, quoi. Et après, qu'est-ce que ça m'a apporté? Après, je l'ai quand même lié souvent à mon sport, où quand je disais que on défendait une identité, où on défendait voilà des clubs, leurs valeurs et tout, le basque en a toujours fait partie jusqu'à cette année, où enfin jusqu'à l'année dernière, pour la première fois j'étais à Dax. Et c'est vrai que ça m'a fait bizarre de me retrouver dans un club hors du Pays Basque et où j'étais vraiment que pour le rugby, enfin où je m'attachais pas forcément à leur culture. Non, ça est toujours important et encore plus plus que dans le rugby, mais aussi dans le monde du travail où ben, j'ai eu accès à mon poste d'éducateur de pelote grâce au basque et j'avais aussi enseigné un petit peu au collège et au lycée et en fait où j'ai pris. Je me suis rendu compte que j'avais pris beaucoup de plaisir à transmettre en basque. J'intervenais dans les écoles et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé transmettre en basque. Et voilà, après aujourd'hui, à Dax, je ne l'utilise pas au quotidien, mais c'est quelque chose quand même qui intéresse les autres de mon équipe, avec bon, que ce soit des étrangers qui s'intéressent aux langues. Donc voilà, j'essaie de leur apprendre quelques mots. Hein, et d'autres aussi qui... sans tomber dans le cliché, mais bon, ils savent que... Enfin, ils s'interrogent parce qu'ils n'habitent pas ici, donc ils ne savent pas que... Mais moi, j'ai appris le français à l'école. Pour eux, ça n'existe pas, ça. Moi, j'ai appris le français à l'école, que mes enfants, ils apprendront pas que le basque, mais le basque en premier. Et donc, c'est quelque chose qui fait partie de moi. Et je pense que quand on fait ma connaissance ou qu'on me découvre, ben... On passe aussi par ça. Oui, oui. Après, c'est vrai que cette, comme tu dis, les interrogations des autres et tout ça, on y a tous été confrontés, je pense, à un moment donné, dans la vie de tous les jours, dès qu'on parle basque et qu'on le dit ou qu'on nous entend, on a le droit à beaucoup de choses qui sont sympathiques et d'autres moins sympathiques. Mais moi, j'avais remarqué, c'est vrai que ça nous arrivait de parler en basque ensemble et même avec d'autres copains, on avait un groupe où on parlait un peu plus. On parlait en basque et quand on était dans l'équipe de rugby, c'est vrai qu'on a toujours parlé en français. Et est-ce que tu as ressenti ça dans toutes les équipes où tu es passé, où tu avais forcément des coéquipiers qui parlaient basque et vu que tu es dans une équipe, tu es obligé de parler en français? Oui, mais c'est le problème de la langue minoritaire parce que si on parle en basque, voilà, on a aussi le sentiment d'exclure les autres ou du moins ils le comprennent pas. Donc c'est compliqué, mais de notre côté, ceux avec qui on parle basque, on tisse un lien qui est beaucoup plus fort, quoi. Enfin, je trouve que déjà de parler basque avec quelqu'un, ça apporte beaucoup de proximité et une confiance assez rapide. Une confiance que t'aurais pas. Ouais, voilà, on sait qu'on partage déjà quelque chose en commun qu'on n'a pas avec les autres. Et donc je pense que ça aide à renforcer les relations. Mais malheureusement, Après, ça, j'avais beaucoup aimé aussi à Saint-Jean parce que, donc, tu vois, j'arrivais dans un club à l'inconnu, mais je suis arrivé où il y a des mecs qui m'ont parlé qu'en basque et, ouais. et qui parlaient aussi qu'en basque à ceux qui arrivaient et qui ne parlaient pas le basque. Donc, ouais. tu vois, ceux qui arrivaient, ils disaient, mais où c'est que j'ai débarqué, quoi. Ouais. Et, donc, ouais, il y avait quand même cette importance liée à la langue. Et puis, bon, je me souviens qu'on avait aussi expliqué des textes à d'autres mecs de l'équipe. Des textes qui étaient importants pour nous, des, qu'on avait liés des fois à des matchs ou, de, ouais. ou des choses, mais voilà, non, il y a toujours eu ce rapport à la langue quand même qui est important pour moi. Bon, après, c'est vrai que Daxaba, t'aurais pu être pire, ça aurait pu être l'aviron. Ça aurait pu être l'aviron. Complètement dépaysé, là. qui nous a non. réinventé les sept provinces. oui, c'est vrai. Il y a eu un petit message d'ailleurs lors du derby. D'un groupe de supporters à Biarritz. J'ai pas vu. Mais après, c'est vrai que quand on regarde Biarritz-Bayonne, on a l'impression quand même que la culture basque, elle est un peu folklorisée de temps en temps. Ben, oui, mais bon, ça, et malheureusement, pas qu'à Biarritz et Bayonne, dans oui, tous oui. les gros, on va dire, les, ouais, les grosses structures qui veulent attirer du monde, comme aujourd'hui, ces entreprises, et comme une entreprise qui est au Pays Basque, maintenant, il y en a plein qui. Qui mais... utilisent les couleurs ou trois mots. Mais j'ai l'impression quand même que dans le foot en Egualdé, donc que ce soit ouais. à la Real, à la Vez, Athletic, Osasuna, ils arrivent à quand même à plus être ancrés dans cette culture et plutôt que la folkloriser. Alors comment Beaucoup plus, mais aussi peut-être parce que la culture elle est beaucoup plus oui. ancrée ou plus forte quoi. Là-bas déjà tout le monde parle basque. Maintenant on va sur Bayonne et Biarritz. Ben il faut le chercher quoi le basque. Oui, oui. Et donc ils l'ont beaucoup plus, il est beaucoup plus dans le groupe, dans, chez les supporters, mais de notre côté on voit des choses qu'on n'aurait peut-être pas vu avant aussi, ou par exemple je pense à, en tant que supporter à la Real, bah, ils communiquent vachement sur les joueurs qui sont en sélection d'Espagne, qui marquent avec l'Espagne ou qui sont champions avec l'Espagne, ils sont mis en valeur et peut-être qu'il y a quelques années, ils ne l'auraient pas fait. Oui, le retour donc, de Mikel Oyarzabal, je ne suis pas sûr qu'il y a quelques années, ils auraient fêté. Non, mais chez, le, voilà, chez les supporters, le tifo, c'était qu'ici, c'était le Pays Basque, quoi, sur, quand ils ont présenté les médailles. Mais c'est vrai que chez nous, ici, là, Bayonne, Biarritz, bon, mais c'est utilisé quasiment que pour du folklore. Biarritz essaie de le remettre quand même un peu à l'avant, en avant avec leur communication en basque. Je pense que c'est quand même une bonne chose, c'est une première étape. Après, est-ce qu'ils vont aller un peu plus loin? Je ne sais pas, mais déjà utiliser le bilingue, c'est une bonne chose. Après, il faut que les employés aussi le sachent, le pratiquent. Enfin, oui, au final, c'est le reflet de la société. C'est la, c'est, en fait, c'est ouais, la vision c'est qu'ont les autres du Pays Basque, donc Iparralde, le côté, côté nord, et la vision qu'ils ont côté sud. C'est vrai que le sport reflète la vision plus ouais, générale de ces deux territoires. Exactement. Ok. Et bien, Iban, en tout cas, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. Mm-hmm. Je te souhaite une bonne continuation pour cette saison. Bon, à part à Aguilera, quand tu vas venir, si tu pouvais faire le même lancer à 5 mètres que l'année dernière. On avait gagné. Vous aviez gagné. Mais vous aviez fait un très bon match. Mm-hmm. Mais bon, tu avais fait un petit lancer bien dégueulasse à 5 mètres. Et voilà, donc qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? C'était volontaire, hein, ouais, de le louper. Je vais pas te le faire dire, je vais pas te le faire dire. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette saison, du coup? Bon, non, le maintien de, voilà, de prendre du plaisir déjà, de jouer au maximum et de continuer de me régaler dans le sport que j'aime, quoi. Eh bien, ok. Eh bien, à très vite, Iban, alors. Eh bien, merci à vous. Merci pour l'invitation. C'était très bien. Eh bien, de rien. Donc, l'émission, vous pouvez la réécouter sur radionoculture.wordpress.com ou l'écouter, tout simplement. Elle est aussi disponible sur Spotify. Et je remercie aussi Matine qui a fait toute la technique pour cette émission. À dans un mois. Moi, j'aime trop les femmes pour les voir souffrir. J'aimerais également remercier Luigi.